l'agression. Monte le son si t'es sourd, on vient saigner les caissons. J'ai pas lâché l'affaire, c'était juste une impression. Et poteau, je suis comme la bière, je fous la pression. Je suis toujours là, ouais, je tenais à t'indiquer. Je suis tellement loin, ouais, qu'ils vont tous abdiquer. Me faire chuter, c'est comme vouloir stopper Ibra. Les MC sont aussi faibles que le PIB des Pays-Bas. Toujours la tête haute, sous ma fat cap, en mode bail trap, pendant que les gars stapent sur le tarmac. Je fais mes bails comme les packs, pack. Ferme ton clap et t'es dépassé comme le star. Mes sons vont faire planer, je suis plus puissant que la bœuf. Ta meuf tourne tellement que même ta bite fait la queue. Je suis comme un lion en cage, même si je joue pas ton mariole. J'ai noirci des tonnes de pages, pourtant j'ai qu'une seule parole. Traque ta bégon, graine ou maille, c'est ouf. Le rap il connaît dans les bagues, c'est ouf. Tu connais les bails, on est à dans notre petit texte, tu ne trouveras jamais de point final, c'est ouf. Traque ta bégon, graine ou maille, c'est ouf. Le rap il connaît dans les bagues, c'est ouf. Amène-toi chez les crocs, gros, une dalle au mic, c'est ouf. 5 minutes de plus et je pars en couille comme Eric Zemmour. Grand max si je perds pour un featuring, je te dirai que c'est mort. 3 MC en costard réunis pour le meilleur, sont morts. Sa mère, 4 mesures à peine que tes seufs souffrent déjà. À la 8ème, je suis sûr tu seras en overdose déjà. Si tu t'arrêtes à ma petite taille, c'est que j'occupe l'espace. Et si j'arrête le rap, tu te demanderas qu'est-ce qui se passe. Tu veux que je me stoppe, je l'ai grillé. Sache que même la nuit n'empêchera jamais le soleil de briller. Prier chaque jour pour que mon équipe atteigne le sommet. Je pose sur mon matelas pendant que tes rappeurs servent de sommier. Fumier mon style au cerf de scalpel. J'éventre toutes les prods et tous les membres de ton label. Ceux qui me connaissent doivent être déçus. Si le rap possède un trône, je m'y poserai pour y chier dessus. Traque capé gangrène au mic, c'est ouf. Le rap il connaît dans les packs, c'est ouf. Tu connais les bails, on est hal dans le fucking texte. Tu ne trouveras jamais de point final, c'est ouf. Traque ta bégangrène au mic, c'est ouf. Le rap il connaît dans les packs, c'est ouf. Tu connais les bails, on est hal dans le fucking texte. Tu ne trouveras jamais de point final, c'est ouf. Ouais, j'ai trouvé dans le coup, t'es pété, tu sors tout. De mesure de mon couplet, toi tu cherches encore tes couilles. Fais pas genre tu vas nous douiller, te manque de plomb dans la capessa. Stop là les aspa, t'es en S et ça se voit. Garnison, va te crailler, les batrains continuent de chialer. Les poucaves se mettent à parler et les tas se mettent à miauler. Pourquoi tu cherches des blèmes, j'avais traqué gangrène. Si ta coupe te répond pas, c'est qu'elle parle pas la bouche pleine. Y'a qu'un rêve, tu feras pas dès que t'es un dur, t'es un vrai. Va ton canailler ailleurs, espèce de canard enchaîné. Espèce de pente à tout péter, Pinocchio a plus de bien que toi. Putain, pourquoi tu vas cramer à te branler sur nos places. Coupé sur ces injures sont collées au vêtu. Tu seras jamais plus lourd même si t'écris avec nos plumes dans le cul. Arrête le rap, tu rappes mal, on va te monter en l'air. On est des bras sans faire les ouf, mais ça j'ai déjà dit frère. Frère, craqué, capé, gangrène au mic, c'est ouf. Le rap il connaît dans les packs, c'est ouf. Tu connais les bails, on est hal dans nos fucking textes. Tu ne trouveras jamais de point final, c'est ouf. Craqué, capé, gangrène au mic, c'est ouf. Le rap il connaît dans les packs, c'est ouf. Tu connais les bails, on est hal dans